Chapitre 363. L'interdiction pour celui qui se rend dans les pays non musulmans de prendre le Coran avec lui s'il craint qu'il tombe entre leurs mains. 1794. D'après Ibn Omar, radiyallahu anhuma, le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, a interdit de voyager avec le Coran en territoire ennemi. Al-Bukhari et Muslim.